Ma sœur, je te félicite de la nouvelle que j'apprends. Nous allons voir ton amant, dit-on. Oui, mon frère, mais je n'ai pas le temps de m'arrêter. J'ai des affaires sérieuses. Et mon père vous les dira. Je vous